Qu'est-ce qui nous touche de plus près, de notre gloire ou de notre personne? Qu'est-ce qui nous est le plus précieux, de notre personne ou de nos richesses? Quel est le plus grand malheur, de les acquérir ou de les perdre? C'est pourquoi celui qui a de grandes passions est nécessairement exposé à de grands sacrifices. Celui qui cache un riche trésor éprouve nécessairement de grandes pertes. Celui qui sait se suffire est à l'abri du déshonneur. Celui qui sait s'arrêter ne périclite jamais. Il pourra subsister longtemps.